الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة قليلا ما تشكرون الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان كنت في هذه الجمعة أود أن أتكلم عن موضوع نساء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيرة أم عمارة ولكن شاء الله غير ذلك شاء الله غير ذلك لحدوث أمر مفجع أمر بطبيعة الحال يؤلمنا جميعا هو هذا الحدث الإرهابي في نيوزيلندا حيث أطلق النار أحد الإرهابيين من اليمين المتطرف أو بعض الإرهابيين من اليمين المتطرف أطلقوا النار على المسلمين وهم يؤدون شعائر الجمعة في مسجدين فسقط من الشهداء زهاء الخمسين من بينهم أطفال وهذا المجرم صور كل شيء وبثه في قنوات الاتصال أو قنوات التواصل الاجتماعي كي يكون ذلك شاهدا على هذا الجرم الوحشي الخطير هذا إخوة الإيمان تصعيد خطير وأمر جلل أولا وقبل كل شيء نطلب من الله تبارك وتعالى بقلوب ضارعة أن يتغمد هؤلاء الشهداء هم شهداء أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم في ضيافة رسوله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان أن يرزق أهلهم الصبر والسلوان ونحن معهم في هذه الفاجعة إن شاء الله عز وجل Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, j'avais programmé, dans la continuité du prêche du vendredi dernier des jeunes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de parler aujourd'hui des femmes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment la biographie d'une grande figure de l'islam féminin, de Umm Umara. Mais l'actualité, Allah tabaraka wa ta'ala, on a décidé autrement, l'actualité nous a... entre guillemets, contraint de réagir et d'interagir avec ce qui se passe. Et comme certains d'entre vous le savent, on a été frappé de plein fouet par le terrorisme aveugle. Preuve supplémentaire que le terrorisme n'a ni foi ni loi, que le terrorisme n'a pas de religion. Eh bien, le terrorisme aveugle a frappé encore, en Nouvelle-Zélande cette fois, a frappé deux mosquées qui étaient bondées au moment de la prière du vendredi. Vous savez, on a plusieurs heures de décalage avec la Nouvelle-Zélande. Ils ont fait le vendredi, il y a quelques heures. Ils ont été frappés par un groupe de terroristes de l'extrême droite dure qui a fait plus de 50 martyrs dans ces deux mosquées. Plus de 50 martyrs. Parmi ces martyrs figurent des enfants. Et par-dessus le marché, ce criminel, ce terroriste aveugle, a filmé tout par une caméra embarquée et l'a diffusé. La diffusion est presque virale sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour commencer, tout d'abord, on s'adresse à Allah, tabaraka wa ta'ala. Quand il y a des épreuves, il faut toujours s'adresser d'abord et avant tout à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on s'adresse d'abord à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il enveloppe ces martyrs, ce sont bien des martyrs, qu'il les enveloppe de sa pleine miséricorde et qu'il les mette avec Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les pieux, avec les vertueux, dans ses plus hauts degrés de paradis, dans le Firdaus, inshallah, et que les familles endeuillées, que Allah tabaraka wa ta'ala leur donne bonne patience ou belle patience. Et nous sommes avec eux dans ce deuil, nous leur disons, aujourd'hui nous leur adressons toute notre solidarité et je vais développer également comment. إذن هذا الأمر الجلل الذي أصابنا يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ikhwat al-iman, la budda wa an natahalla awwalan wa qabla kulli shay bis-sabr tujahati al-hadith al-faji'ah allati asabatna haqiqatan kullana li'anna al-muslim wahid kayfama kanat intima'atuhu al-irqiyya nahnu ummatun wahida ma asabahum yusibuna. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن هذه الفاجعة تبين لنا أولا تنامي الإسلاموفوبيا في العالم وبالخصوص في العالم الغربي وأنتم تعلمون هذا. تبين لنا كذلك أن هذه الجماعات المتطرفة تستقي أو تبني على ما يقوله بعض السياسويون أو بعض النخب في جعل الإسلام أو المسلمين يعني كأن كل ما يصيب العالم من تصرفاتهم أو من نتاجهم أو من فعلهم يعني هناك إرهاب ضد الإسلام إرهاب فكري أولا ينافي الحقوق حقوق الحرية التي ينعم بها كل ذي دين. نحن في بلد لا بد وأن نذكر أننا هنا ننعم بالحرية وأننا الديانة الثانية في فرنسا فلا ينبغي أن نقف ساكتين صامتين أمام من يحرض على الكراهية والإقصاء كيفما كان لونه كيفما كان دينه كيفما كان غطاؤه لأن هذا يؤدي إلى ذاك. هذه أولا. ثانيا وهذا هو الأهم هذه الحوادث وغيرها رسالة من الحق عز وجل إلينا رسالة من الله إلينا نحن المسلمون هنا في الغرب تقول لنا عليكم بالاتحاد ونبذ الخلاف وسفاسف الأمور أن نكون يدا على من سوانا. كيف؟ حينما نجد هذا يختلف مع هذا في مسائل فقهية بسيطة هذا يختلف مع هذا لأنه ليس من بلده أو من إيديولوجيته أو كذا ليس منا من دعا لعصبية. هذا الحبيب المصطفى يحذر ليس منا من دعا لعصبية وقد تكلمنا عن هذا الأمر عن أمر وحدة الكلمة أو وحدة الصف وينبغي أن نكون عليه خصوصا في هذه الأرض لكي نقف أمام التحديات وخصوصا تحدي الإسلاموفوبيا. فلا يعقل أن نستمر في صراعاتنا متجاهلين هذه التحديات، متجاهلين ما ينتظر أبناءنا وبناتنا إذا لم نتحد. وثالثا وأخيرا، واجبنا نحن اليوم بالإضافة إلى الوقوف بجانب هؤلاء بشتى الوسائل المشروعة، واجبنا أن نبث في أبنائنا وبناتنا روح العمل الجاد، روح الإحسان، كي نرتقي بهم إلى ما نطمح له اليوم في هذه الأرض من تواجد حقيقي فعلي عبر أطر فاعلة جادة نافعة. حينما أسمع أخت تركت يعني الجامعة وهي في السنة الخامسة من الطب لأنها تعتقد أو وسوس لها بعض المتفهقين أن ذلك حرام، هذه طامة عظمى. حينما أسمع الأخ يقول لي أنا تركت المحاماة لأنها لا تتوافق مع الشريعة، يا أخي هذه طامة عظمى، هذا الجهل مركب. إذا تركنا هذه المهن، هذه المكانة التي ينبغي أن نتبوأها في هذه الأرض، لا وجود لنا، سنكون كالقصعة تدور حولها الأكلة يتقاسمونها، غثاء كغثاء السيل. إذن فلنحذر ونوجه أبناءنا وبناتنا إلى أرقى المراتب، مراتب الإحسان في كل شيء، فنكون في الواجهة حاضرين حيث يجب الحضور. لأن اليوم موازين القوى لم تعد السيف، هذا انتهى انقضى. اليوم موازين القوى لك قوة إذا كان لك وجود اقتصادي، وجود سياسي، وجود إيديولوجي فكري ثقافي. إذا لم يكن لك ذلك فأنت غير موجود، أنت غير موجود، ولو كنت في كثرة في عدد، العدد لا يكفي فتكون غثاء كغثاء السيل. Je disais mes frères et sœurs, cette tragédie est une épreuve, bien évidemment, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est aussi un message de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour nous tous, sans exception. Parce que nous sommes tous responsables. Premièrement, c'est un message pour nous dire qu'il faut qu'on soit unis, comme je l'ai déjà répété dans plusieurs khutbah. Il faut qu'on soit unis. Il n'est pas question de se diviser. Il n'est pas question de créer des clans. Il n'est pas question de se rejeter des mots infâmes, ou de se jeter des mots infâmes, des mots qui ne convergent pas avec la morale de l'islam, de s'insulter mutuellement. Toute guerre fratricide, toute guerre intestine ne fera qu'empirer notre état, notre faiblesse. Nous devons être unis. Nous devons être solidaires. Nous devons bannir tout ce qui peut provoquer la désunion. Il y a des sujets à divergence entre les savants depuis des siècles. Il faut respecter cette divergence. Nous avons plusieurs origines. C'est une réalité historique et géographique. Nous devons respecter cela également, se respecter mutuellement. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de se respecter mutuellement. Très important. Ça, c'est la première chose. Si on veut réaliser quelque chose ici, ou ailleurs d'ailleurs. Deuxième message très important, c'est qu'il faut agir. Mais agir pas n'importe comment, pas sauvagement, pas individuellement. Il faut agir en concertation avec les responsables religieux, institutionnels. Il faut agir de façon pertinente. Première action que je peux vous proposer, il y a des cagnottes en faveur de ces victimes et de leurs familles endeuillées. Eh bien, participant à ces cagnottes, c'est une première proposition. Une deuxième proposition, et c'est le deuxième message de cette, tragédie, c'est qu'il faut passer du musulman passif, attentiste, victimiste, complotiste, au musulman actif, au musulman utile, au musulman pertinent, au musulman intelligent et surtout sage. Nous devons inciter nos jeunes et nos moins jeunes, nos enfants surtout, à aller dans les plus hautes sphères, à occuper les postes importants. Quand j'entends une sœur qui me dit qu'elle a quitté l'université, qu'elle a quitté la médecine, alors qu'elle était en cinquième année. Et pourquoi, ma sœur, tu as quitté la médecine? Parce qu'on m'a dit que c'est haram, on m'a dit que c'est interdit, etc. Qui t'a dit que c'est interdit? La religion ne se prend pas de « on m'a dit ». Il y a des savants, on l'a dit plusieurs fois. Et tu as quitté la médecine, tu n'es pas la seule perdante. La Oumma a perdu également avec toi. Donc faites attention sur qui vous prenez votre religion. J'apprends aussi qu'un frère a quitté son métier d'avocat. Et il fait du commerce. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais son argument était, ou son prétexte était que c'est haram. Pourquoi c'est haram? Qui a dit que c'est haram? C'est cher Facebook, cher Google. C'est un gourou qui n'a même pas appris quelques versets ou qui a à peine appris quelques versets du Coran et quelques hadiths mal interprétés. Eh bien, faites très attention. Parce qu'avec cela, on ne rend pas service à notre cause. Par cela, on s'auto-détruit. On se rend encore plus faible qu'on l'est. Donc, poussons nos enfants à ces métiers sensibles et importants pour qu'on puisse peser, avoir un poids. Nous devons cesser d'être une variable d'ajustement électoraliste. Nous devons passer à un autre niveau. Aujourd'hui, la guerre a changé. Il n'y a plus de guerre avec les épées, avec les armes, etc. Non. Aujourd'hui, c'est le poids économique, le poids culturel qui coûte, qui vaut que vous soyez respecté ou pas. L'affaire Decathlon en est une preuve irréfutable à méditer. Donc, poussons nos enfants vers ces métiers importants et sensibles. Ne craignons pas d'être sur le terrain, bien évidemment dans le respect des lois en vigueur. Et ça, ça fait partie de la sagesse. Et enfin, pour terminer, faites très attention à ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook, les messages haineux qui appellent à la vengeance. Faites très attention. J'ai vu ce matin beaucoup de frères qui postent des messages très haineux, des messages que je qualifierais de guerre. Vengez vos frères, des choses comme ça. Ce n'est pas l'islam, ça, mes frères. Les personnes qui s'engagent dans cette voie de la violence et de la haine s'engagent dans la voie du diable. Ne vont que empirer la situation. Les personnes qui s'engagent sur cette voie, je le dis et je l'assume, et je le répète, les gens ou les personnes qui encouragent cette voie de la haine ne vont que empirer la situation, ne vont pas dans le sens qu'on veut, qui est l'apaisement, qui est la paix dans notre société plurielle. La violence, personne n'a intérêt à la semer. Celui qui sème la graine de la violence, malheureusement, il récolte la tempête. Il récolte le chaos. Et les premiers qui seront victimes de ce chaos, c'est nous, la minorité musulmane. Donc faites très très attention. Agissons avec sagesse, avec discernement et revenons toujours vers nos responsables, vers nos imams, vers nos éducateurs. Ne faisons pas d'actions sauvages, individuelles et déconnectées des conséquences. Il faut toujours penser aux conséquences. Donc oui, agissons avec discernement. Oui, nous condamnons. Oui, nous appelons à l'union. Nous appelons à condamner sévèrement l'islamophobie. Et de semaine bar, en concertation avec les responsables, nous appelons même à une journée internationale contre l'islamophobie et pour les droits des minorités religieuses le 15 mars. Pour qu'on n'oublie jamais, jamais cette stratégie, et cette tragédie. Et pour qu'on soit toujours vigilant partout où nous sommes. Vigilant et conscient que les extrêmes provoquent les extrêmes. Les extrêmes provoquent les extrêmes. أقول ما تسمعون وجعلنا الله وإياكم من الآمنين المطمئنين في هذه الأرض وفي غير هذه الأرض. Que Allah تبارك وتعالى nous donne la paix durable dans ce pays et dans le monde. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رافع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد الصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي إخوة الإيمان في هذه الأثناء في هذه الجمعة المباركة في هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء نتضرع إلى الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة أن يتغمد شهداءنا بواسع مغفرته وبرحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dans cette prière du vendredi béni, dans cette heure où les vœux sont exaucés, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala d'envelopper nos frères et sœurs martyrs de cette tragédie, victimes de cette barbarie, de l'extrémisme aveugle. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de les mettre sous sa miséricorde. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger de ce mal moderne, de nous protéger, de protéger nos mosquées, et pas seulement nos mosquées, tous les lieux de culte, de nous protéger, de protéger toute l'humanité de ce mal moderne qui est l'extrémisme aveugle et belliqueux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala enveloppe ses martyrs dans sa miséricorde et qu'il les place dans les plus hauts degrés du paradis avec les prophètes, les martyrs et les pieux vertueux. Allahumma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan hiya laka ridha ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وكان واحد الأم طلبت الدعاء لابنها إبراهيم الله يجعله إن شاء الله الرحمن محفوظة راي يعاني من واحد المرض. نطلب الله تبارك وتعالى بقلوب ضارعة أن يشفيه شفاء تاما كاملا لا يبقي ألما ولا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. وأن يشافي مرضانا ويعافي مبتلانا. اللهم يا أرحم الراحمين يا شفيق يا رفيق ارفع عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق ولا تحملنا ما لا نطيق. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم ارحم غربتنا وآنس وحشتنا. اللهم ارحم غربتنا وآنس وحشتنا واغفر زلتنا واستر عورتنا واغفر زلتنا واستر عورتنا وآمن روعتنا وآمن روعتنا وآمن روعتنا. يا لطيف يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. الله par ta bienveillance protège-nous par ta bienveillance où nous soyons. آمين يا رب العالمين. اللهم لطف بنا فيما جرت به المقادر قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها يا أرحم الراحمين. اللهم لطف بنا بلطفك الخفي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين. احفظنا في حلنا وترحالنا أمة سيدنا محمد احفظها أمة سيدنا محمد ارحمها أمة سيدنا محمد وحد صفوفها أمة سيدنا محمد أعلي كلمتها أمة سيدنا محمد ارحم غربتها أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. أعدها إلى طريقك أعدها إلى طريقك إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كالله تبارك وتعالى donne la paix à notre pays la France, la sérénité, le bien vivre ensemble, qu'il nous éloigne la fitna, qu'il nous épargne l'agression, la fitna, les courants de l'horreur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à les combattre par tous les moyens, qu'Allah tabaraka wa ta'ala les éloigne, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous épargne la fitna, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à notre monde la paix, la sérénité et le bien vivre ensemble et la prospérité. Amin ya rabbal alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide, nous les musulmans, à représenter cette belle religion par l'être et le paraître, halan wa maqalan. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des témoins et non des juges. Allahumma ij'alna ya arhamar rahimin du'atan la qudat. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par le bon comportement, par le bel agir, par la sagesse, par le sourire, par la beauté. Allahumma ij'alna sufara al-jamal li hadha ad-din. Ij'alna sufara al-jamal ala al-ahd. على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى nous donne cette sérénité du cœur. الله تبارك وتعالى nous aide à être sur les traces de Sayyiduna Muhammad صلى الله عليه وسلم, de l'aimer et de le suivre. الله تبارك وتعالى encore une fois protège toutes nos mosquées et toutes nos institutions et tous les lieux de culte de cette barbarie affreuse qui est étrangère à toute religion. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا تأمر نصلحهم واصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وحسين خواتيمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.